de Camille Lemonnier, recueil Noël flamand, la Saint-Nicolas du Batelier, à M. Victor Lefebvre. 1. Nous voici au plus beau jour de l'année, Nel, dit joyeusement un homme d'une soixantaine d'années, grand et solide, à une bonne femme fraîche et proprette qui descendait l'échelle du bateau, des copeaux dans les mains. « Oui, Tobias, répondit la femme, c'est un beau jour pour les bateliers. » Vous souvenez-vous, Nel, du premier Saint-Nicolas que nous avons fêté ensemble après notre mariage ? Oui, Tobias, il y aura bientôt 40 ans. Le patron Hendrik Schepe descendit dans le bateau et me dit « Tobias, mon garçon, puisque vous avez amené une femme dans votre bateau, il faudra fêter convenablement notre révéré saint. » Il me mit dans la main une pièce de 5 francs. Alors je dis au patron « Mineur Schepe, je suis plus content de vos 5 francs que si j'avais une couronne sur la tête. » Puis je sortis sans rien dire à ma chère Nel, je passais la planche et j'allais dans le village acheter de la crème, des œufs, de la farine, des pommes et du café. Qui fut bien contente quand je rentrai avec toutes ces bonnes choses et que je les mis sur la table l'une à côté de l'autre, tandis que le feu brûlait gaiement dans le poêle. Qui fut contente? Dites-le un peu vous-même, Nel. Ah, Tobias, nous sommes restés ce soir-là jusqu'à 10 heures, la main dans la main, comme les soirs où nous nous asseyons ensemble sur le bord de l'Escaut, au clair de la lune, avant notre mariage. Mais nous avons fait cette fois-là bien autre chose encore. Qu'est-ce que nous avons fait? Dites-le un peu, Tobias. Oh, oh, de belles crêpes dorées aux pommes, j'en ai encore l'odeur dans le nez. Et j'ai voulu connaître de vous la manière de les faire sauter. Mais j'en ai fait sauter 2 dans le feu, et la 3e est tombée dans la gueule du chat. Oui, oui, Manel, je m'en souviens. Eh bien, mon homme, il nous faut faire encore de belles crêpes aux pommes, en mémoire de cette bonne soirée. Et j'apporte des copeaux pour allumer le feu. Et un jour, comme nous-mêmes à présent, Rick et Adolphe se souviendront de la bonne fête de Saint-Nicolas. Ainsi parlait dans le Gulvendish le batelier Tobias Jeffers et sa femme Nell. Le Gulvendish, baptisé de ce nom à cause du joli poisson d'or qui brillait à l'arrière et à l'avant de sa carène, était le meilleur des bateaux de M. Hendrik Schepe, et il l'avait confié à Tobias Jeffers, le meilleur de ses bateliers. Non, il n'y avait dans Terre-Monde de plus coquet bateau ni de mieux fait pour supporter les grandes fatigues. C'était plaisir de le voir filer dans l'eau, où il enfonçait à plein ventre, chargé de grains, de bois, de pailles ou de denrées, avec sa grosse panse brune rechampie de filets rouges et bleus, sa quille ornée du long poisson d'or aux écailles arrondies, son pont luisant et son petit panache de fumée tire-bouchonnant par le tuyau de fer verni au noir. Ce jour-là, le Gulvendish avait chômé comme tous les bateaux de l'Escaut. Il était amarré à un gros câble, ne laissant voir vers les 7 heures du soir que la lueur claire qui rougissait le bord de sa cheminée et ses lucarnes brillantes et rondes comme des yeux de cabillaud. C'est qu'on se préparait dignement à fêter la Saint-Nicolas dans la petite chambre qui est sous le pont. 2 chandelles brûlaient dans des flambeaux de cuivre et le poêle de fonte ronflait comme l'eau qui se précipite des écluses quand l'éclusier vient de les ouvrir. La bonne Nel poussa la porte et Tobias entra sur ses pas, l'œil empli des lointaines tendresses que sa mémoire venait d'évoquer. « Maman Nel, fit alors une voix jeune, je vois les fenêtres rondes qui s'allument partout, l'une après l'autre, sur l'eau noire. »« Oui, Riegje, répondit Nel, mais ce n'est pas pour voir s'allumer les fenêtres sur l'eau que vous demeurez ainsi contre la vitre, mais bien pour savoir si Dolphe, le beau garçon, ne va pas rentrer au bateau. » Riegje se mit à rire. « Maman Nel voit clair dans mon cœur, dit-elle, en s'asseyant près du feu et en piquant l'aiguille dans un bonnet de nouveau-né qu'elle tenait à la main. Et qui ne verrait pas clair dans le cœur d'une femme amoureuse de son mari, Riegje ? Reprit la vieille Nel. En même temps, elle ouvrit le couvercle du poêle et bourra le pot, ce qui parut faire plaisir au petit Creuset, car il se mit à pétiller comme les fusées qu'on avait tirées la veille sur la place du marché, à l'occasion de la nomination du nouveau bourgmestre. Nel moucha ensuite les chandelles avec ses doigts, après avoir humecté ceci de salive, et la flamme qui vacillait depuis quelques instants au bout de la mèche charbonneuse se redressa tout à coup joyeusement, éclairant la petite chambre d'une belle lumière tranquille. Petite, la chambre l'était, à la vérité. Figurant assez bien, à cause de son plafond de bois recourbé et de ses cloisons de planches, pareilles à des douves, la moitié d'un grand tonneau qu'on aurait coupé en 2. Une couche de goudron, luisante et brune, couvrait partout la paroi, et par places avait noirci comme de l'ébène, principalement au-dessus du poêle. Une table et deux chaises, un coffre qui servait de lit, et près du coffre une caisse de bois blanc avec deux planches en guise de rayons, formaient tout l'ameublement. Et la caisse contenait du linge, des bonnets, des mouchoirs, des jupes de femmes, des vestes d'hommes, pleins d'une odeur de poisson. Dans un coin, des filets pendaient pêle-mêle, avec des cabans de toile goudronnés, des vareuses, des bottes, des chapeaux de cuir bouillis et d'énormes gants de peau de mouton. Des chapelets d'oignons s'enguirlandaient autour d'une image de la Vierge et une vingtaine de beaux sorets au ventre cuivré étaient enfilés par les ouïes à un cordon sous un cartel émaillé. Voilà ce que les deux chandelles éclairaient de leur lumière jaune en faisant danser les ombres sur le plafond. Mais il valait bien mieux regarder la brune Rieche assise près du feu, car c'était une belle jeune femme. Large d'épaules, le cou rond, les mains fortes, elle avait les joues pleines et hâlées, les yeux veloutés et bruns, la bouche épaisse et rouge, et ses noirs cheveux se tordaient six fois autour de son chignon, épais comme les grelins avec lesquels on hâle les chalands le long des rivières. Bien que douce et timide, elle se laissait volontiers aller à des rêveries sombres. Mais quand son Dolphe était près d'elle, la chair remontait de chaque côté de son amoureuse bouche, et ses dents ressemblaient à la pâle des rames quand elles sortent de l'eau et que le soleil lui dessus. Alors, elle ne fronçait plus le sourcil, épais rideau sous lequel dormaient de tristes souvenirs, mais toutes sortes d'idées claires brillaient dans les plis de sa peau comme des ablettes scintillantes à travers les mailles du filet, et elle se tournait vers le beau garçon en frappant ses mains l'une dans l'autre. La flamme qui passe par la porte du poêle rougit en ce moment ses joues comme deux tranches de saumon, et par le coin de sa paupière, son œil profond, qu'elle fixe sur son ouvrage, lui, pareil à une braise dans les cendres. Mais deux choses luisent autant que ses yeux, c'est la pendeloque, suspendue à la bélière d'or, qui pique son oreille, et l'anneau d'argent qu'elle porte à son doigt. « Rieche, êtes-vous bien ?» lui demande Nell Jeffers de temps à autre. « Vos pieds ont-ils chaud dans vos sabots doublés de paille ?» Et elle répond en souriant, « Oui, maman Nell, je suis comme une reine. »« Comme une reine, dites-vous, » reprend Nell, « c'est tout à l'heure que vous serez comme une reine, ma bru, car vous allez manger les coquets bakens aux pommes de maman Nell. » Voici Dolphe qui traverse la passerelle et qui nous apporte la farine, les œufs et la crème. Vous m'en direz des nouvelles, Rieche. » Et elle ouvrit la porte à quelqu'un dont les sabots venaient en effet de battre lourdement le pont du bateau.